C'est comme ça tous les soirs. Il joue de la guitare avec ses grosses lunettes et sa petite moustachette. C'est un grand musicien. Il peut jouer sans les mains. Accordé sur les demi. Et c'est parti pour la nuit. Mon papy soviétique, il adore la nature. C'est un bon voyageur, il adore la nature. Il connaît l'art, il s'y perd sa compassion, c'est l'aventure.